Valérie Levé au microphone et vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Futur Simple. Bonne soirée Valérie et à tous les auditeurs et auditrices. Alors Jean-René, j'imagine que vous avez suivi, peut-être que vous avez guetté avec impatience les premières images du télescope James Webb cet été. Oui, en fait, grand soulagement quand tout s'est révélé fonctionner très bien et parce que tout le monde était un peu surtendu, ouais. Appelant l'expérience de Hubble au lancement de 90 où on avait finalement, on s'était retrouvé avec un télescope qui avait besoin de lunettes. Ce n'est pas le cas dans ce cas-ci et finalement, quand les gens me demandent « qu'est-ce que tu penses des premières images? » Je dis « pour moi, les premières images ne sont pas des surprises ». Mais que le télescope marche, quel soulagement et quelle promesse pour le futur. Oui, exactement. Alors, avant de parler de ces premières images, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel du projet. En fait, vous avez évoqué le télescope Hubble, donc justement, le télescope James Webb. Comment il se distingue par rapport à Hubble? Donc, de plusieurs façons importantes. D'abord, comme vous l'avez entendu dire, le télescope est plus gros. Dans le sens que son miroir est plus grand, ce qui détermine un peu la puissance d'un télescope. Donc, son miroir est de 6,5 mètres de diamètre par rapport à celui de Hubble qui fait 2,4 mètres. Donc, son ouverture collectrice est à peu près 10 fois plus grande. Donc, il capte 10 fois plus de lumière. Deuxième chose, il est distinct dans le sens qu'il ne regarde pas les mêmes longueurs d'onde que Hubble. Hubble, en gros, voit les mêmes choses que notre œil voit, évidemment, avec un œil énormément plus puissant et localisé au-dessus de l'atmosphère, très près de nous, à 400 km, sur une orbite assez basse. Donc, James Webb, lui, est situé, est un télescope qui performe dans les longueurs d'onde qu'on appelle l'infrarouge. Ce sont des longueurs d'onde plus longues que celles qu'on voit avec l'œil. Comme l'ultraviolet représente un domaine de longueur d'onde plus courte que celle que l'œil voit, de même que les rayons X, l'infrarouge, ce sont des longueurs d'onde plus longues. Et quand elles sont longues, ça correspond à la chaleur qu'on perçoit lorsqu'on met notre main proche d'une source qui émet de la chaleur, comme la surface de votre cuisinière, par exemple. Et quel est l'avantage de regarder avec les infrarouges par rapport à la lumière visible? Est-ce que ça permet de répondre à des nouvelles questions? Oui, en fait, deux choses. D'abord, l'infrarouge pénètre mieux les milieux qui ont beaucoup de poussière, entre guillemets. Donc, si, par exemple, quand vous voyez le soleil couchant qui rougit, en fait, c'est que toutes les longueurs d'onde plus courtes ont été enlevées. Donc, vous voyez le soleil plus rouge. Mais en fait, ce que fait Webb, en déplaçant son registre de sensibilité par ces détecteurs qui ont été construits spécifiquement pour ces longueurs d'onde-là, c'est que vous n'avez plus cet effet de rougissement en quelque sorte. C'est toute la lumière qui vous vient des astres va passer à travers la plupart de ces poussières. Ce qui va faire qu'on va voir des choses dans les images de Hubble, comme celles qui ont été présentées d'une nébuleuse. Vous allez voir des étoiles pour une région qu'on présente aussi l'image de Hubble. Vous ne verrez pas les étoiles qui sont enfouies dans la poussière et les gaz. Deuxième gros avantage, c'est vu que l'univers est en expansion, les sources lointaines fuient par rapport à nous à de très grandes vitesses. Donc, leur longueur d'onde, par un phénomène physique qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, quoique ici, la raison n'est pas tout à fait la même, les longueurs d'onde sont comme décalées vers des longueurs d'onde plus grandes. Donc, c'est comme, finalement, vous essayez de syntoniser votre appareil radio, comme on faisait dans l'ancien temps, en tournant le bouton. C'est comme si, avec Hubble, vous n'arrivez plus à syntoniser pour voir des galaxies plus lointaines parce que la longueur d'onde de la source qui est emportée par l'expansion de l'univers sort, en quelque sorte, de votre capacité de détection. Donc, ce sont peut-être les deux plus gros avantages. L'autre grande différence, c'est que la localisation. J'ai mentionné, Hubble est en orbite basse autour de la Terre. Donc, il est éclipsé à peu près toutes les 90 minutes par la Terre. Donc, observer avec Hubble, c'est compliqué. Et aussi, il y a toujours des effets atmosphériques, de lumière diffuse, etc., dont il faut tenir compte. Avec Webb, on a fait un grand bond. On est allé le placer à un point de stabilité en orbite autour du Soleil qui est situé à 1,5 million de kilomètres. Rappelez-vous, la Lune est à peu près à 380 000 kilomètres de la Terre. Donc, on est à peu près à 4 fois la distance de la Lune à un point qui, curieusement, même s'il est plus loin du Soleil par rapport à la Terre, il tourne autour du Soleil comme nous, à la même vitesse. C'est comme s'il était attaché à la Terre. C'est un de ses points de stabilité, ces poches gravitationnelles qu'on a autour des objets, comme les couples d'objets comme Terre-Soleil, qu'on appelle les points de Lagrange. Donc, il est là dans une espèce de poche de gravitation où il tourne un peu, mais il est toujours à 1,5 million de kilomètres de nous. Donc, pourquoi là? Parce qu'on l'a éloigné de la Terre, donc il n'est pas sujet à la source de chaleur de la Terre, qui est une source infrarouge. Donc, il est finalement dans un environnement extrêmement refroidi par sa position. Donc, et refroidissement naturel. On n'a pas besoin d'avoir de liquide cryogénique comme de l'azote liquide ou comme de l'hélium liquide pour le tenir refroidi. Donc, naturellement, il descend de température très, très basse qui permet à ces détecteurs d'être de sensibilité optimale. Par contre, comme il est loin, s'il y a un petit pépin, on n'ira pas le réparer, contrairement à Hubble. Donc, c'est d'ailleurs une des choses qui a probablement affecté les coûts de la mission, qui l'ont rendu complexe. C'est qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de redondance dans les systèmes, beaucoup de duplication. S'il y a quelque chose qui tombe, il y a un autre système qui rentre pour reprendre le fonctionnement. Donc, on se croise les doigts et on espère qu'il va fonctionner pendant au moins 5 ans, qui est la mission de base, mais on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus longue, comme dans le cas de Hubble, qui grâce au 4 missions de réparation continuent à fonctionner 32 ans après son lancement. C'est phénoménal. Ouais, c'est ben, venons-en maintenant donc à ces premières images. Il y a eu celle de juillet, puis il y en a eu donc plus récemment. Donc, c'était quoi ces premières images? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, en fait, quand on met en marche un nouveau télescope, on le fait pour les télescopes au sol, la première chose qu'on fait, on va aller voir des objets familiers. Okay. Donc, pour voir d'abord si on est capable de reproduire à peu près les mêmes choses, et on peut aussi, parce qu'il y a déjà eu des télescopes infrarouges en orbite, il y en a au sol aussi, comparer les performances avec ce qu'on pouvait faire, ce qu'on peut faire maintenant à partir du sol ou à partir de plus petits télescopes qui étaient dans l'espace. Donc, la première chose, c'est cette période qu'on appelle le commissionnement. Donc, on vérifie si les choses fonctionnent. C'est comme si vous avez construit une nouvelle chose et tout, et vous, évidemment, vous ne voulez pas faire sa fonction de manière définitive, vous allez tester. Un peu comme dans le bon vieux temps, on achetait une voiture, on allait faire un tour dans le stationnement pour voir comment ça fonctionne, se familiariser. Donc, c'est cette étape-là, et aussi, on avait une visée de choisir des objets relativement bien connus et de faire en sorte que ça rejoigne non seulement la communauté des chercheurs pour démontrer, vous avez des programmes en train de préparer, ça fonctionne, mais aussi pour un peu, je dirais, épater la galerie, parce que le projet a coûté plus de 8 milliards de dollars, réparti sur une trentaine d'années, il faut le souligner. Donc, pour faire savoir aux gens que l'argent a été bien investi et avec succès dans ce cas-ci, parce que c'est pas toujours évident quand on va dans l'espace, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des failles et des retards qui ont eu lieu énormément dans le cadre du projet Webb. Donc, on a fait un peu différents objets, des objets proches comme Jupiter, qu'on a montré, entre autres, avec des images intéressantes, des objets un petit peu plus lointains, comme des objets qui sont des amas d'étoiles bien connus. Donc, on a observé et certains objets pour comparer avec Hubble et avec Webb, qu'on a bien mis en quelque sorte en contraste et parfois même en opposition. Donc, pour moi, il n'y a aucune surprise dans les images. En fait, pour moi, elles sont comme attendues. Je pense que les choses surprenantes seront finalement perçues dans des images qui ne seront pas vraiment spectaculaires, sûrement pas des images grand public. Donc, c'est à venir. Pour le moment, c'est extrêmement prometteur. La chose qui m'a le plus étonné, donc j'ai dit que c'était pas, mais avec un certain point, c'est justement la qualité de l'instrumentation qui était démontrée en comparant des champs faits par Hubble et d'autres champs faits par par Webb. En particulier, il y a un objet qu'on appelle la galaxie roue de charrette, the cartwheel galaxy, et pour laquelle la galaxie elle-même, qui est photographiée par les deux télescopes, est à peu près la même chose. Surtout qu'on utilise des fausses couleurs pour correspondre finalement à peu près aux mêmes couleurs que Hubble. Donc, on ne voit pas tellement de différence. Mais là où est la différence, c'est tous les objets qui apparaissent en background de la galaxie Cartwheel. Donc, il y a un foisonnement de nouvelles sources qui sont ces galaxies qui apparaissent parce qu'elles sont poussées, leur lumière poussée dans l'infrarouge par l'effet de l'expansion de l'univers. Donc, elles deviennent maintenant visibles avec nos lunettes réajustées pour détecter de l'infrarouge de ces galaxies. Donc, le foisonnement de ces nouveaux objets qui vont être étudiés à fond et qui le sont présentement par Webb, présente un des grands intérêts et aussi illustre le succès et la performance absolument extraordinaire du télescope Webb. Donc, on voit apparaître de nouveaux objets, mais est-ce que les objets qu'on connaissait déjà, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'eux-mêmes, est-ce qu'on les voit différemment quand même? Oui, absolument. Certains, non. Certaines galaxies, vous les voyez avec le Webb et avec Hubble, et vu encore une fois, je le rappelle, on utilise un peu les mêmes couleurs que notre œil personnel. On peut, pour beaucoup de gens vont dire, mais c'est du pareil au même. Pourquoi avoir dépensé tout cet argent pour avoir un tel télescope? Mais en fait, c'est un peu le jeu de ces fausses couleurs qui nous trompe ici. Donc, oui, des objets le meilleur est à venir, en fait. Comme je le dis, à l'heure actuelle, on essaie de faire un peu les mêmes choses qu'on faisait avant. Et c'est toujours ça que je voyais, moi, entre autres, avec l'introduction de grands télescopes comme celui de Gemini, à la direction duquel j'ai été. J'étais toujours à dire aux gens, mais faites autre chose. Le télescope est capable de faire autre chose que ce que vous avez fait pendant 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est une éducation que les astronomes vont, entre guillemets, se donner et rapidement, au fur et à mesure qu'ils vont découvrir les nouvelles capacités et la puissance de ce télescope. Et aussi de s'habituer de travailler dans un autre domaine de longueur d'onde. C'est comme si vous obteniez une nouvelle caméra et qui vous permet de voir des choses que vous ne voyez pas normalement. Par exemple, si vous pouviez vous procurer une caméra infrarouge, vous pourriez vous promener la nuit et voir des choses et observer complètement différemment de ce que vous faites en plein jour avec une caméra ordinaire. Mais l'habitude, entre guillemets, est à prendre, même si intellectuellement, les gens sont fait dire « oui, ça va être différent, oui, il va falloir chercher à observer différemment et des objets différents. Et ça, c'est en train de se faire. J'appelle ça l'éducation des astronomes pour le programme Webb. C'est ça, il faut transformer un petit peu sa façon d'appréhender et de rechercher et d'observer. Il faut peut-être changer l'idée des objets qu'on cherche aussi ou de la façon des objets. Absolument, absolument. Mais j'ai envie de revenir sur l'idée des fausses couleurs parce qu'effectivement, il y a des images qui nous paraissent fantastiques et on se dit, c'est pas vraiment, est-ce que c'est vraiment les vraies couleurs, d'autant plus que si c'est de l'infrarouge, on comprend bien que c'est pas de l'infrarouge qu'on voit à travers ces images. Donc pourquoi ces fausses couleurs? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'elles sont prises au hasard, ces couleurs-là? En fait, elles ne sont pas au hasard. On prend les couleurs pour lesquelles l'œil est habitué. Donc, nous, les longueurs d'onde plus courtes, on les voit bleues. Donc, on va les représenter bleues dans une image. Les longueurs d'onde plus longues, on va les sont rouges, notre œil perçoit, donc on va les représenter rouges. Et celles du milieu, jaune et vert. Ça, c'est finalement notre adaptation à la lumière du soleil. Donc, et on n'a pas de façon de, en quelque sorte, c'est notre façon de voir. Donc, on n'a pas de façon autre que de coder comme tel avec les couleurs qui nous sont familières. Ce qu'on fait depuis déjà longtemps, on présente des images obtenues dans les ondes radio. Et ce sont des ondes beaucoup plus longues que l'infrarouge, beaucoup plus, entre guillemets, lointaines par rapport à notre spectre visuel de détection. Donc, on est déjà habitué, en astronomie, on est habitué de procéder de cette façon. Donc, ce sont des fausses couleurs dans le sens que il n'y en a pas de couleurs. Oui. Dans le sens que nous, on les voit. Mais est-ce qu'il y a un code? On n'a pas. Mais est-ce qu'il y a un code ou quelque chose qui dit que telle couleur, ça correspond à telle grande longueur d'onde et telle autre couleur, ça correspond à une autre longueur d'onde encore plus grande? Est-ce qu'il y a quand même un code un peu universel pour tous les astrophysiciens? En fait, il est adapté pour chaque domaine spectral, que ce soit dans les rayons X, dans les rayons gamma, dans les ondes radio. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder l'image, on va montrer le code de couleur quand on présente l'image. L'analogie, en quelque sorte, ce serait comme on monte une carte du Canada ou de l'Amérique du Nord, on monte la température, OK? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? On monte les régions les plus chaudes, on les met en rouge, les plus froides, on les met en bleu ou en violet. Mais ça n'a rien à voir avec la température. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a codé la valeur de la température par une couleur. Et on le fait d'une façon un petit peu pédagogique, comme ça. Donc ici, on va toujours parler de longueur d'onde, mais on va faire un codage comme on va faire pour la météorologie en codant couleur ou en codant les quantités de pluie. Donc là aussi, vous le voyez, ou les quantités de neige. Ouais. Il y a une graduation, finalement, une graduation de cette quantité de pluie ou de neige avec une graduation de couleur. Et donc là, on a un peu l'équivalent avec la longueur d'onde et une graduation de couleur. Donc, ce n'est pas une décoloration esthétique. Il y a vraiment un sens avec la... On essaie d'avoir une certaine fidélité, mais en se rappelant que ces longueurs d'onde, elles ne sont pas perçues par l'œil, donc notre œil est invisible. Et c'est pour ça qu'on se donne des instruments comme des télescopes, des appareils très sophistiqués pour détecter ces longueurs d'onde. D'ailleurs, l'existence de l'infrarouge, le domaine dont on parle avec le James Webb, l'existence de l'infrarouge a été détectée, entre guillemets, découverte par l'astronome William Herschel à la fin du 18e siècle, parce que la spectroscopie était connue, c'est-à-dire cet appareil, on prend avec un prisme ou un autre système pour décomposer la lumière en longueur d'onde, comme l'arc-en-ciel. Et par hasard, William Herschel a eu l'idée de décomposer le spectre du Soleil, donc qui était devant lui, en quelque sorte. Et il y avait une idée, justement, qu'il y avait de la chaleur, parce que quand on est au soleil, on perçoit la chaleur. Il a mis un thermomètre le long des couleurs. Il s'est rendu compte, quand il allait au-delà du rouge, la température de son thermomètre montait. Mm. Il a appelé ça l'infrarouge. Mm. Donc, à l'époque, parce que c'est un prisme, la couleur allait à gauche du rouge jusqu'à droite du bleu. Donc, on a parlé infra, donc en dessous du rouge, infrarouge, et cette lumière qu'il a perçue avec un thermomètre. Et on appelait aussi au-delà du bleu et du violet, qu'on ne voyait pas, on appelait ça l'ultraviolet. Mm. Donc, ça montre bien que quand on sort du domaine du spectre visible, il faut utiliser des nouveaux mots. Oui, oui, tout à fait. Des faux mots, des fausses couleurs. Et en terminant rapidement, Jean-René, bon là maintenant on a des images, mais j'imagine que le travail ne fait que commencer parce qu'il faut les analyser, ces images. On ne s'arrête pas juste à ces images, il y a tout un travail d'analyse, j'imagine. Bah, d'abord, les astronomes ont déjà plusieurs projets qui sont dans les collimateurs, qui sont en quelque sorte, il y a trois grands instruments, là, je ne vais pas dans les détails. Les projets peuvent être faits auprès de ces instruments. Parfois, on peut faire fonctionner plus d'un instrument à la fois dans le même champ du ciel. Donc, il y a beaucoup de programmes en ligne maintenant qui sont exécutés au fur et à mesure. D'ailleurs, quand on a présenté les premières images en juillet, déjà des programmes qui avaient été pour lesquels on avait fait des demandes de temps, des groupes d'astronomes, avaient été approuvés et ils sont maintenant en exécution. Donc, il y a un appel de programme à peu près chaque année qui est fait. Donc, tout est à venir et ça se refera dans les prochaines années, ça se fait maintenant. Une caractéristique particulière, c'est que dans le passé, la plupart des observations que les astronomes obtenaient étaient du domaine protégé pendant une année ou une année et demie. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un peu la même chose, sauf que beaucoup de programmes, beaucoup de projets où les données sont du domaine public. En fait, public dans le sens qu'il faut s'enregistrer comme astronome et se montrer compétent pour pouvoir les utiliser, les analyser. Donc, ça va accélérer beaucoup les publications. Peut-être qu'il y en a qui vont aller trop vite, comme on a vu jusqu'ici. Là. La diffusion des données spatiales est déjà quelque chose de nouveau par le fait que l'accès est maintenant très facile. Et avec Web, ce sera un pas de plus. Alors, on va certainement, et vous allez certainement suivre toutes ces nouvelles images et informations qui vont dériver de ce nouveau télescope. Alors, merci beaucoup, Jean-René, d'avoir revisité pour nous les premières images du télescope James Webb. Et je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Merci, Jean-René. Grand plaisir et bonne fin de soirée. C'est la fin de Futurs Simples et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes scientifiques. Et pour le moment, je cède le micro de CKRL 89.1 à En aparté avec Calypso le Moine. Son jardin donne des ronces, son chien montre les dents. Ne réveillez pas l'eau qui pionce ou gare aux accidents. Elle fait rarement sa toilette, elle est sans religion. Mais elle fait les meilleures galettes de lambin à l'agnon. Cette fois je n'ai pas la peste, m'invite à tomber la veste. Cette fois je n'ai pas la gale, m'invite à descendre de cheval. M'invite à descendre de cheval. Son cerveau est un repère de bandits, de scélérats. Les croque-morts ils sont prospères, les vautours ils sont gras. Faut en avoir dans le ventre ou bien faire tapisserie. Quand elle parle, je rentre dans un trou de souris. Cette fois j'ai passé la douane, m'invite à me chauffer la couenne. À la chaleur d'un bon feu, m'invite à demander ce que je veux, m'invite à demander ce que je veux. Moi je veux un baiser baveux et qu'on me dise que l'on m'aime, que la brute sans cheveux me récite un poème. Je veux couler les jours heureux près du calorifère et boire ton café foireux dans une tasse en fer. Cette fois j'ai passé l'oral, m'invite à me sécher les poils. Cette fois j'ai passé le test, m'invite à manger les restes, m'invite à manger les restes. Cette fois je n'ai pas la fièvre, m'invite à manger du chèvre. Cette fois je n'ai pas la grippe, m'invite à tomber le slip, m'invite à tomber le slip. Son jardin donne des ronces et des fruits qui sont aigres. Elle me tâte et elle m'annonce qu'elle me trouve un peu maigre. Je vais pouvoir sans danger me donner à l'ogresse, car si elle veut me manger, faut d'abord qu'elle m'engraisse. Cette fois je n'ai pas la peste, m'invite à tomber la veste. Cette fois je n'ai pas la gale, m'invite à descendre de cheval. Cette fois je n'ai pas la peste, m'invite à tomber la veste. Cette fois je n'ai pas la gale, m'invite à descendre de cheval, m'invite à descendre de cheval.